J'ai les émotions dans le 4 motion. Je me rappelle avant la tour de Picon. Cette année on peut tout voir les millions. Habibi, en bas du bloc ça.